Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission différée, avec cependant plein de nouveautés ce soir. Et comme toujours, en veux-tu, en voilà de la nouveauté bien quali, les Belges de Nasty, les Belges encore de Broken Ankles, tout ça pour le hardcore. On aura également du Fossilization, Crypta, Move. Et puis plein d'autres choses à s'écouter tout au long de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est tout simplement l'ouverture de l'émission de ce soir. Après la doublette Incantation et Sonami, on reste sur une doublette Incantation X le hardcore. Avec donc Incantation, le vieux groupe de death ricain qui accuse 35 ans d'existence. Qui nous sort là un nouvel effort studio, le 13e. On est sur un bon petit rythme de sortie, avec des visuels signés de la plume d'Eliran Cantor. 10 titres, 40 minutes, suffisamment efficace dans la durée pour pas être trop long. On est sur du death bien crado et rampant, toujours vraiment la bonne sauce Evil Death Incantation. Et ensuite, Nasty, le groupe de hardcore beatdown belge qui vient de dégainer là son 8e effort studio. 20 ans d'existence pour la formation belge. Menace avait vu le jour en 2020 chez Century Media. J'étais un petit peu passé à côté de cette sortie que j'avais pas trouvé dingo. Là, en revanche, 12 titres, un peu moins de 30 minutes, c'est ultra... Bref, radical, un riffing identifiable dans la durée. Cependant, on retrouve des grosses inspirations, j'irais pas jusqu'à dire madcore, mais dans le riffing, des sonorités vraiment dingues qui se mêlent très très bien à la musique basique, à la musique de base de Nasty, et même des petites inspirations metalcore. C'est super intéressant la manière dont c'est exploité, le rendu est très efficace. À noter réenregistrement de deux morceaux qui datent de leur premier album de 2006, notamment le titre Chaos. Et bien personnellement, je trouve que la deuxième partie de l'album est carrément plus intéressante que la première. Enfin, pour moi, voilà, la première c'est la mise en place de l'album et la deuxième partie c'est on lâche tout. Et putain, ça le fait vraiment très très très très fort. Incantation Nasty, donc Incantation, le titre Exile, extrait de l'album Unholy Deification. Petite doublette pour Nasty, comme je disais, les titres sont assez courts. Resurrection, Total Domination, extrait d'album Heartbreak Criminal. Bon, il y a aussi un petit peu de chant clair sur cet album. Ça, ça reste à réviser, voire même carrément oublié. Et cet album de Nasty ne sortira, est sorti pardon, le 8 septembre. C'est parti. Yeah. Suivante, deux sorties qui datent de juillet. Qu'est-ce qu'on a tout d'abord Black Braid, formation native américaine de black metal, un projet solo qui propose du live avec des icos des sessions. Voilà, du black épique, forcément assez guerrier et atmosphérique, ça va forcément chercher dans les traditions native américaines ancestrales. Donc voilà, c'est. On est sur du Black Atmo, mais avec des ambiances novatrices, et ça c'est plutôt plaisant à écouter et à découvrir. Night Eternal ensuite, formation qui accuse 5 ans d'existence. Ça nous vient d'Allemagne, on est sur une espèce de heavy occulte avec des petites inspirations goth rock dans le fond. Heavy assez entraînant, classieux, catchy, avec des inspirations... pareil, super accrocheuse, et un chanteur pareil très très très impliqué dans ses lignes vocales. Black Braid, l'album s'intitule sobrement Black Braid 2, on s'écoutera le morceau Twilight Hymn of Ancient Blood, Night Eternal ensuite, Between the World, extrait d'album Fatal. C'est parti, c'est vraiment très très moche de le prononcer à la française. Doublette suivante, violente et sans finesse, Gutslit et Sonami. Voilà, les ricains ne sont jamais trop trop loin cependant dans la playlist, pour le moment. Gutslit, Altar of Putridity, extrait d'album Carnal, Sonami, Think About It, extrait du premier album studio Sonami, une sortie de Triple B Record. Gutslit, on est sur du Brutal Slam Death qui nous vient des Indes. Sonami, on est sur du Hardcore Crassou qui nous vient des US. On a déjà pas mal présenté ces groupes-là, donc place à la musique. Oh, Pour la suite de Salle de Ambiance, Fen et Church of Misery. Fen, tout d'abord, ça nous vient d'Angleterre. C'est du post-black, black atmo, voilà, c'est très anglais dans l'approche, actif depuis une bonne quinzaine d'années. Et là, c'est le 7ème effort studio qui vient de sortir. On est assez proche de la scène Castilian Black, qui nous vient de la scène nord-américaine, hein, à la sauce Wolves of the Throne Room, Agaloc, etc. Et on a cependant voilà ce côté très black anglais qu'on peut retrouver dans leur compatriote de chez Winterfields. Des compos généreux, 6 à 10 minutes, voilà, des passages très contemplatifs et des, à côté de ça des passages au contraire ultra vénères. Voilà, tout se goupille très très bien, Fen c'est très bien pensé, très bien composé. Church of Misery, ensuite groupe de doomstoner américain, actif depuis bientôt 30 ans. 7ème effort studio qui vient de sortir, toujours un concept album sur la thématique des tueurs en série, plus ou moins connu, principalement américain. Voilà, des lignes vocales bien crasseuses et un ensemble très groovy, entraînant cependant. Le Doom de Church of Misery. Présentation des morceaux Fen, Eschaton Gift, extrait d'album Monuments of Absence, Church of Misery, Come and Get Me, Sucker, extrait d'album Burn Under a Mad Sign. C'est parti. We'll be right back. Would you use a gun if somebody came in here? They come in here with a gun and they start shooting at us. What would you do? Tell me, be realistic. This is America. This is not Australia. This is not Europe. This is not where a country overthrows a bunch of people, takes away their weapons so that the people cannot argue any issues. Did King David have swords? Did Jesus tell the apostles to carry a sword with you? Yes. We'll be right back. toujours à l'écoute d'Hellbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes de 93.6. On attaque tout de suite l'aspect française avec Meurtrière et Manzer. Meurtrière, tout d'abord, nous vient de la région lyonnaise. Fin août, ils ont sorti le premier album studio longue durée, qui fait suite à un EP qui était déjà très généreux, une trentaine de minutes. Hein. Nouvelle vocaliste sur ce nouvel album par rapport à l'EP. Toujours heavy old school traditionnel français, thématique histoire légendaire médiévale, et des textes en français. C'est simple, c'est efficace, et puis bah nous Meurtrières, on aime beaucoup dans l'émission. Manzer ensuite, là on est dans le traditionnel encore historique. Groupe de Pictavian Trash Black qui fête ses 15 ans d'existence cette année. Un des groupes qui a le plus tourné aux quatre coins du monde en France. 7 ans se sont écoulés depuis le précédent album, entre-temps il y a eu un EP. Voilà, le line-up a été renouvelé autour du batteur-chanteur et tête pensante de Manzer, Chekzul, puis qui a été pas mal occupé par ses autres projets musicaux. Voilà, on a un audacieux morceau de 15 minutes, voilà, pareil, super intéressant, un titre le plus long composé dans l'histoire du groupe. Sinon, autour de tout ça, musicalement, c'est bien extrême, proto-black, trash... un peu speed, voilà, la recette de Manzer est bien connue, et elle est toujours aussi efficace. Meurtrière, Rubicon, extrait de l'album Ronde de Nuit. Manzer, Segne d'Auscor, extrait de l'album Impious Invocation of Ebalos. A noter que la plupart des textes de Manzer sont chantés en vieux patois pictave. C'est parti.